boson de Higgs à 10 ans, annoncé par le CERN le 4 juillet 2012 et découvert grâce au LHC, le grand collisionnaire de Hadron, mis en fonction 4 ans plus tôt. Depuis, le LHC a été amélioré, perfectionné pour fonctionner à des niveaux d'énergie records, mais plus rien. Il y a bien eu en 2015 une particule ultra lourde candidate tant espérée qui a mis la communauté en ébullition, mais il s'agissait d'une anomalie statistique. Comment faire alors pour ouvrir les portes de cette nouvelle physique que tout le monde attend, mais qui refuse de pointer le bout de son nez? La réponse, le FCC, le Futur Circular Collider, un accélérateur de 100 km de circonférence. FCC, le seigneur des anneaux, c'est le programme accéléré qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout savoir sur ce qui sera sûrement la machine du 21e siècle, j'ai le plaisir de recevoir Alain Blondel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Genève et chercheur CNRS, responsable scientifique du projet FCC. Nous sommes en ligne avec Ursula Bassler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe scientifique à l'IN2P3 du CNRS, ex-présidente du conseil scientifique du CERN. Mais on commence par celle qui fait tourner l'actualité scientifique comme des particules. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon deux études parues dans les revues Physical Review Letters et Physical Review C, les résultats d'une expérience appuient l'hypothèse de l'existence d'un quatrième hypothétique neutrino. Et les neutrinos, on les surnomme les particules fantômes parce qu'ils interagissent très peu avec la matière. Ils se déclinent en trois saveurs, électronique, muonique et toïque. Et il y aurait un quatrième hypothétique neutrino stérile. Il aurait une masse, mais il n'aurait pas à proprement parler de saveur. Ça veut dire que ce quatrième neutrino n'interagit pas par interaction faible. En 2011, le CEA a publié un article qui montrait qu'on ne comprenait pas bien le flux de neutrinos, la quantité de neutrinos qui provenait des réacteurs nucléaires. C'est une anomalie qui a suscité beaucoup d'intérêt, qui s'appelle l'anomalie des antineutrinos de réacteurs, et elle peut s'expliquer éventuellement par l'existence d'un quatrième type de neutrinos. Depuis, de nombreuses manipulations partent à sa recherche, et c'est ce qu'a fait l'expérience BEST, une collaboration entre la Russie et les États-Unis, qui est située dans le Caucase. Il s'agit d'une expérience robuste, et leurs résultats confirment cette anomalie. Thierry Lasserre est physicien au service de physique des particules du CEA. Les neutrinos dans l'expérience BEST sont produits par une source de chrome-51 qui est un élément radioactif et qui se désintègre en émettant des neutrinos qui ont une énergie typiquement de ceux du Soleil. Donc il faut fabriquer cette source et c'est le gros challenge de cette expérience et ça a été fait entre 2011 et 2019. Donc on a au cœur d'un détecteur une source artificielle de neutrinos électroniques. Ensuite, on a un détecteur qui est constitué de deux coquilles concentriques avec deux régions qui contiennent du gallium-71 et on va détecter les interactions des neutrinos dans ces deux régions et en fait, les neutrinos peuvent être capturés par le gallium-71 pour produire quelques atomes de germanium-71 dans ces deux volumes concentriques. Et l'idée de cette expérience, c'est de, un, vérifier si on comprend bien dans ces deux régions le nombre de captures qu'on a par rapport à ce qu'on prédit de l'émission de la source, et deux, de vérifier s'il y a une différence entre les deux régions qui se trouvent à deux distances différentes, parce que c'est cette différence-là qui serait la signature d'un quatrième neutrino. Et donc, ils voient les neutrinos produits par la source, et ils observent deux choses. La première chose, c'est que dans les régions 1 et 2, à deux distances différentes, il n'y a pas de différence, donc on voit le même flux de neutrinos en provenance de la source. Par contre, l'anomalie, elle vient du fait qu'on observe 80% seulement des neutrinos électroniques qu'on prédit. Et donc, il en manque 20% avec une erreur de 5%. Donc, typiquement, c'est un effet à 4 sigma. Donc ça commence à être assez significatif. Et donc on voit moins de neutrinos qu'on en prédit. Et ça pourrait coller avec certains modèles de quatrième neutrinos. C'est une anomalie et c'est une anomalie qui est assez embêtante pour nous parce que on a quelque chose qui est compatible avec le fait que ça puisse être un quatrième neutrino, mais la signature attendue en regardant dans les deux différents volumes concentriques n'est pas là. Donc il n'y a pas de signature non plus ferme d'un quatrième neutrino au sens où on le recherchait. Voilà, pour retrouver le lien vers les deux études, c'est comme chaque jour sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue hier dans la revue Nature Food, le bilan carbone des aliments importés est colossal. Et à l'heure actuelle, la production agricole représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre. Si on élargit, que l'on regarde l'ensemble de la chaîne de production, les systèmes alimentaires contribuent à 30% des émissions totales de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Une équipe américaine a estimé l'empreinte carbone des food miles. Ils ont calculé les kilomètres alimentaires. Il se trouve que le transport alimentaire représente environ 19% des émissions totales du système alimentaire. Donc pour baisser ces émissions, les auteurs recommandent, et en particulier pour les pays riches, de s'orienter vers une alimentation à base de plantes, de manger de saison et locale. Selon le ministère de la Santé, la couverture vaccinale contre le Covid-19 en France est insuffisante. Nous faisons face à une reprise épidémique modérée, le nombre de cas a plus que doublé en 3 semaines, et on observe une légère reprise des hospitalisations. Hier, le ministère a appelé les personnes de plus de 60 ans et les immunodéprimés à recevoir leur deuxième rappel vaccinal, ou leur quatrième dose. Sur plus de 8,7 millions de personnes éligibles, moins de 2,2 millions ont reçu leur second rappel, soit un quart des personnes éligibles, un taux clairement insuffisant, je cite. Et enfin, selon une étude parue hier dans la revue JAMA, dans la plupart des cas, les vitamines et compléments alimentaires ne servent à rien. Les personnes qui consomment ces suppléments alimentaires déclarent le faire pour des raisons de santé, pour se prémunir des cancers, des maladies, etc. Dans cette méta-analyse, les experts du groupe de travail américain sur les services préventifs ont analysé 84 études sur ces produits. Si les vitamines et les minéraux des fruits et des légumes ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires, c'est probablement parce qu'ils agissent en synergie. Mais cela est moins certain pour les micronutriments isolés. Cette étude montre que pour les personnes qui ne souffrent pas de carences en vitamines et en minéraux, ces compléments n'ont aucun effet bénéfique sur leur santé. Aucune preuve ne va dans ce sens. Dans certains cas, ces compléments peuvent même être potentiellement nocifs. Les auteurs rappellent que pour la plupart d'entre nous, la meilleure façon de se prémunir des cancers ou des maladies cardiovasculaires, cela reste l'alimentation saine, l'activité physique et le dépistage. Merci Natacha, demain pour le prochain journal des sciences, au pas de course, hop, pour rester en forme. Allez, le modèle standard de la physique des particules a été complété il y a 10 ans pile cette année par la découverte du boson de Higgs. C'était au LHC, l'annonce a été faite au CERN le 4 juillet 2012 et d'ailleurs nous consacrerons mardi prochain une émission entière au boson de Higgs et à ce 10e anniversaire. Mais depuis 10 ans, eh bien, plus rien. Le modèle standard de la physique des particules tient bon, il est complet, il est robuste et pourtant 94% de la composition de l'univers nous échappe toujours. On n'a ni matière noire ni énergie sombre. Pour les physiciens, c'est donc sûr, il doit y avoir quelque chose, mais quoi ? Le LHC a beau être amélioré, renforcé pour le moment, rien n'y fait, on ne trouve rien de neuf. La solution viendra peut-être du futur du LHC, le FCC pour Future Circular Collider, un accélérateur de particules de 100 km de circonférence qui est annoncée comme une usine à produire des bosons de Higgs. Écoutez ce reportage qui date de 2019 chez nos confrères de TV5 Monde. Pour observer l'infiniment petit, le CERN voit les choses en grand. Un gigantesque accélérateur de particules, le FCC, 100 km de circonférence sous la frontière franco-suisse. 4 fois plus grand et 10 fois plus puissant que l'actuel grand collisionneur de Hadron, le LHC, mis en service en 2008. L'idée, maintenir les particules accélérées à l'intérieur du tunnel et les faire entrer en collision à une vitesse avoisinant celle de la lumière. En comparaison, cela reviendrait à essayer d'envoyer l'une contre l'autre 2 aiguilles distantes de 10 km. En créant ces mini-Big Bang, les physiciens tentent d'en apprendre davantage sur la nature fondamentale de la matière et donc sur l'univers. Le modèle standard, quand on regarde les galaxies qui tournent de plus en plus vite, qui s'éloignent, il y a 96% de la masse de l'univers qu'on ne comprend pas. Donc on ne comprend que 4% de la masse de l'univers, ce qui rend humble. Donc il nous faut des machines encore plus puissantes. Donc l'idée, c'est de faire un FCC qui serait 10 fois plus puissant que l'HC, qui casserait les protons avec une énergie de près de 10 fois. 1300 chercheurs issus de 150 institutions du monde entier planchent depuis 2013 sur ce nouvel accélérateur de particules. Le CERN estime qu'il faut une vingtaine d'années pour concevoir et construire un tel engin. Son coût total est estimé à 24 milliards d'euros. Les Européens ne sont pas les seuls à s'être lancés dans la course à l'accélérateur de particules. En face, Pékin s'active. D'ici 2030, le pays aura construit sa propre machine quasiment 4 fois plus grande que le LHC. Objectif pour les chercheurs chinois, recréer les conditions primitives peu après le Big Bang. Voilà ce reportage donc de TV5 Monde. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre ou à ce qui est dit dans ce reportage, Ursula Bassler. Oui, peut-être d'abord, effectivement, la grande découverte d'une nouvelle physique, d'une nouvelle particule n'a pas eu lieu durant ces dernières 10 ans. Mais au moins, le LHC a produit énormément de résultats, quoi. Le modèle standard a été testé avec une précision jamais obtenue auparavant, quoi. Des mesures sur 10 ordres de magnitude, de taux de production, par exemple, les propriétés même du boson de Higgs, pour savoir s'il s'agit bien du boson de Higgs du modèle standard ou pas. Était aussi fait avec une précision à laquelle on ne s'attendait pas avec ce niveau de prise de données déjà faite. Aussi, le LHC, pour l'instant, il a pris 5% de ses données totales et normalement, il devrait tourner jusqu'à la fin des années 2030 et accumuler encore davantage de données. Donc, il y a encore beaucoup d'effets qu'on pourrait observer et notamment certaines tensions dans le modèle standard ont été observées durant ces dernières années. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. On va revenir, on va évidemment pas enterrer le LHC trop vite, il a encore de belles années, de très beaux résultats à produire, on va en reparler dans un instant. Alain Blondel, on entendait tout de même à la fin de ce documentaire ou de ce petit reportage, quelque chose que je trouve intéressant, c'est la référence au grand collisionneur chinois qui est un projet. On a le sentiment qu'il y aurait une sorte finalement, c'est le CEPC chinois, le Circular Electron Positron Collider, qu'il y aurait finalement en physique des particules une sorte de course à la physique, à la nouvelle physique, entre guillemets, d'un seul coup, comme il y a pu avoir naguère une course à la Lune. La création d'usines à boson de Higgs, c'est une activité qui a évidemment sollicité beaucoup les créateurs de nouveaux accélérateurs, donc à la fois des collisionneurs linéaires qui étaient déjà là depuis longtemps mais qui se sont trouvés une nouvelle motivation avec la présence de ce boson de Higgs. Et puis, on s'est rendu compte que comme la masse du boson de Higgs était assez faible, on pouvait en faire en grande quantité avec des machines circulaires d'une façon plus efficace. Donc, on a commencé à réfléchir à ça, en fait, dès le mois de juillet 2011, quand on a eu les premiers signaux de ce boson de Higgs, quand on a su que sa masse était en dessous de 130 gigaélectronvolts. Et puis, on s'est basé sur des études qui avaient été faites pour la suite du programme au CERN, de chercher si on ne pouvait pas augmenter la taille de l'anneau, donc passer à un anneau de 80 à 100 km. Et quand on a mis les deux idées en même temps, on s'est rendu compte que la bonne marche à suivre, c'était la même qu'on avait faite avant pour le LHC. C'est-à-dire qu'avant le LHC, il y avait une machine de collision d'électrons et de positons qui s'appelait le LEP et qui n'est pas passé loin de la découverte du boson de Higgs. On est allé jusqu'à 95% de sa masse sans rien voir. D'ailleurs, on a éliminé toute cette région. Et puis, quand on a mis ensemble l'idée d'un collisionneur de 100 km et l'idée de mettre une machine à électrons et positons dedans, on a une machine absolument fantastique. Et c'est là que le CERN a décidé de démarrer l'étude. Mais les Chinois ont compris très vite. Ils ont immédiatement saisi la balle au bond. Et ils ont décidé d'étudier ça et de mettre toute leur puissance de jeunes physiciens et de moins jeunes physiciens pour étudier finalement une machine similaire et qui en est largement une copie d'ailleurs. Alors, on va préciser quelque chose et puis on va revenir hein, sur ces différents types d'accélérateurs de particules, linéaires ou circulaires. En l'occurrence, le LHC est un accélérateur de particules, c'est un grand collisionneur de hadrons, c'est-à-dire que ce sont des noyaux, des protons qui se percutent. Et alors que ce que vous évoquiez, Alain Blondel, c'était la première version du LHC où on faisait se percuter des électrons et des anti-électrons qu'on appelle des positrons. On va revenir évidemment là-dessus dans le détail. Peut-être un mot avec vous, Ursula Bassler, parce qu'on évoquait il y a peu de temps dans le journal des sciences, suite notamment à un article du Monde, des difficultés que rencontre actuellement le projet du FCC, difficultés financières puisqu'il manquerait à l'heure actuelle la moitié du budget, et également des problèmes de faisabilité technique. Où en est-on? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Je dirais pas que le projet fait face à des difficultés financières, c'est-à-dire actuellement, après la stratégie européenne en physique des particules qui était établie en 2020, ce qui était recommandé, c'était une étude de faisabilité donc de FCC, de ce projet FCC, avec tout d'abord la X-Factory, la FCC-EE, et ensuite éventuellement un FCC HH, donc avec des protons comme le LHC. Donc cette étude de faisabilité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la faisabilité technique, donc ça va de l'implémentation dans la région genevoise et le pays d'Aix adjacente, jusqu'à la faisabilité technique, financière, la faisabilité au niveau de la gouvernance, commencer à sonder quels sont les partenaires, etc. On sait que le projet du FCCEE devrait coûter vers, dans l'ordre de grandeur, c'est 10 milliards, hein. Euros, francs suisses, c'est à peu près la même chose, dont à peu près la moitié est nécessaire pour construire un tunnel à 100 km qui profitera donc aussi pour une machine proton après. On sait aussi qu'avec les budgets du CERN tels qu'on le connaît aujourd'hui, on peut construire une machine à 4-5 milliards, ce qui était le coût du LHC. Et donc, l'autre moitié du budget, il faut effectivement la trouver. Et je pense que la direction du CERN est extrêmement active pour sonder des partenaires potentiels ou des contributions exceptionnelles à son budget pour voir comment boucler financièrement un tel projet. Maintenant, les échéances pour dire si on arrive à le faire ou pas, je pense que c'est dans à peu près 2025-2026 quand il y aura la prochaine stratégie européenne qui sera lancée, et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment faire un point sur la responsabilité de ce projet. Quoi. Et d'ici là, on laisse travailler la direction. Quoi. Un mot là-dessus, Alain Blondel, il est possible que ce FCC ne se fasse jamais, qu'il reste à l'état de projet? Ah, tout est toujours possible tant que la machine n'est pas approuvée par le Conseil du CERN et par les collaborateurs internationaux. Il est bien écrit en toutes lettres dans la stratégie à laquelle Ursula faisait allusion que le CERN doit entreprendre une étude de faisabilité d'un projet qui serait un projet global en collaboration avec les collaborateurs internationaux du CERN. Donc il y a toute une structure de collaborateurs internationaux. Il y a d'abord tous les membres du CERN. Il y a un rôle particulier pour les États hôtes qui sont la Suisse et la France parce que en plus du pays de Gex, comme disait Ursula, ça va être une nouveauté, le tunnel va passer sous la Haute-Savoie, une partie de la Haute-Savoie. Et puis, il y a d'autres collaborateurs internationaux, des États associés ou bien des États observateurs. Et moi, là, en ce moment, on est en train de discuter avec nos collègues américains pour intéresser la collectivité des physiciens qui sont intéressés à participer au projet du FCCEE, construire des détecteurs, faire des études, etc. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc du futur du LHC, le grand collisionneur de Hadron, de ce projet de FCC, Future Circular Collider du CERN. Nous en parlons avec Alain Blondel et Ursula Bassler. Avant de réfléchir et de comprendre quelles sont aujourd'hui les options qui sont sur la table pour ce FCC, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas du tout, loin s'en faut, enterrer trop vite le LHC, qui vient d'ailleurs tout juste de démarrer une nouvelle session d'acquisition de données après une phase d'arrêt de 4 ans et qui va être encore amélioré une fois pour arriver à sa version finale, en quelque sorte, si l'on peut dire, le HL-LHC, le High Luminosity. Vous pouvez nous dire un mot aujourd'hui, Ursula Bassler, de jusqu'où on peut imaginer pousser ce grand collisionneur de Hadron et qu'est-ce qu'on peut encore attendre comme résultat, pourquoi pas, qui sait-on, de la nouvelle physique déjà avec le LHC, ou est-ce que aujourd'hui on a un peu fait le deuil de cette particule étrangère qui viendrait chambouler le modèle standard? Non, je pense que le deuil, on n'y est pas encore. ceci dit, c'est peut-être pas une particule. Peut-être il faut plutôt regarder du côté quels sont des phénomènes, des effets étranges qu'on peut observer. Bon, où est-ce qu'on peut pousser le LHC actuellement? Après la phase 3 du LHC, on devrait avoir intégré ce qu'on appelle 300 inverses femtobarnes de données. Donc, je ne peux pas vous dire à combien de collisions ça correspond. Après la phase haute luminosité, ce sera un facteur 10 de plus. Donc, beaucoup plus de statistiques, mais aussi avec des défis énormes pour ce qui est la prise de données, les détecteurs et le traitement des données, le calcul qu'il faut derrière. Ce qui va être difficile, c'est bien sûr lorsqu'on augmente cette luminosité instantanée, c'est-à-dire le taux de collision en quelque sorte, on augmente l'intensité et la focalisation des faisceaux. Et donc actuellement, on a une cinquantaine de collisions simultanées qui se passent pour en extraire une ou deux qui sont intéressantes. Avec le High Lumi LHC, ce taux de collision instantanée augmentera jusqu'à quelques centaines. Et donc, de trouver les collisions intéressantes là-dedans, ça va être beaucoup plus difficile. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre à la Blondel, c'est que, a priori, le LHC est... S'il n'est pas encore arrivé, quasiment arrivé à sa puissance maximum, mais on va pouvoir augmenter le nombre d'événements, donc avoir plus de statistiques, mais aussi potentiellement plus d'événements rares et intéressants. D'abord, pour le boson de Higgs, le LHC aura produit quelque part environ 1 milliard de bosons de Higgs à la fin de son existence, et là-dedans, on peut aller chercher des événements très rares, donc... Déjà, on a découvert le LHC avec des modes de désintégration assez rares, mais très facilement visibles. Et il y a d'autres modes de désintégration rares qui vont être ainsi qu'on va chercher dans le LHC. Et par ailleurs, et ça c'est unique, même avec la machine à électrons et positons du futur, on n'en fera pas autant. Il y a des choses nouvelles qui se passent au LHC et qui nous ramènent de façon étonnante à la petite communication qu'avait fait mon ancien élève Thierry Lasserre au début de votre émission, qui sont les neutrinos stériles. À partir du moment où les neutrinos sont des particules massives, il leur faut deux états de spin. Et donc, en plus des neutrinos actifs, il y a des neutrinos stériles. Et on les attend plutôt dans les domaines d'énergie du LHC ou d'une machine de haute énergie que à l'énergie à laquelle on pourrait les produire dans les réacteurs. Mais de toute façon, c'est une recherche qui est à faire, et ces diables de neutrinos stériles pourraient très bien constituer la matière noire et aussi expliquer pourquoi il y a une dominance de la matière sur l'antimatière. Alors les manips du LHC ont développé leur déclenchement pour être capables de voir ces choses-là un peu mieux qu'ils l'avaient jusque-là. Et donc, il y a des nouveaux domaines. C'est une illustration du fait que les recherches au LHC ont augmenté leur domaine d'exploration, non seulement en augmentant le nombre d'événements qu'on va voir, mais aussi en augmentant la sensibilité des expériences. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dépasser un certain seuil d'énergie sur le LHC? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas augmenter finalement la puissance, non pas indéfiniment, mais suffisamment pour arriver à des niveaux d'énergie qui seraient plus intéressants? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir finalement un tunnel à ce point-là plus grand, Ursula Bassler? Donc pour le LHC, pour une machine à protons, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est circulaire et donc il faut courber la trajectoire des protons. Et ça, on fait à l'aide des aimants supraconducteurs, dans le cas du LHC, qui ont actuellement un champ d'environ 11 Tesla. On n'a pas actuellement des technologies qui permettent de produire des aimants à des champs beaucoup plus élevés. C'est-à-dire pour le futur collisionneur des hadrons, on aimerait bien avoir des champs qui sont vers les 16 Tesla. À savoir aussi pour les LHC, les 11 Tesla, c'est pour certains aimants très spécifiques. Les aimants normaux ont plutôt 8 Tesla, quoi, pour me corriger. Et donc, si on veut augmenter en énergie, on doit augmenter le champ des aimants et le rayon pour que la courbure soit moins forte à donner aux particules. Donc voilà, c'est ça essentiellement la raison pourquoi on a besoin d'un tunnel plus grand. Mmh. Pour les machines électron-positron, l'effet est encore un peu différent. C'est-à-dire lorsqu'on augmente en énergie les trajectoires des faisceaux de particules, il y a un effet qui s'appelle le rayonnement synchrotron qui se produit à chaque fois qu'un électron fait une courbure, il émet un photon. Et donc, pareil, de plus grande est la courbure, de plus de photons sont émises et de plus difficile c'est d'avoir donc ces faisceaux de haute puissance dans un accélérateur circulaire. On peut dire en résumé, pour des raisons qui seraient effectivement, pour ces raisons de rayonnement synchrotron sur lesquelles on ne va pas se détailler trop parce qu'on a d'autres choses à raconter, mais que les électrons tournent mal en quelque sorte, beaucoup plus mal que les protons. Tout à fait, et plus mal aussi que des hypothétiques muons ou d'autres particules qu'on pourrait s'imaginer d'accélérer. Ce qu'il faut préciser, on va arriver au FCC, mais de dire un mot à Alain Blondel, c'est que ce LHC qui a donc encore de belles années, puisqu'on imagine effectivement que le LHC, cette version haute luminosité, va continuer à produire des résultats jusqu'à la fin des années 2030, disons peut-être 2040, mais ce LHC derrière, il va servir pour le SCC, c'est-à-dire que c'est un peu comme des matrioshkas, il va servir finalement de pré-accélérateur avant d'envoyer des particules dans le grand anneau qui fera 100 km. La machine à hadron, c'est-à-dire ce qu'on appelle le FCC-HH, qui est le but ultime du FCC. Pour la machine électron, en fait, on est en train de penser qu'on peut les accélérer soit dans la machine d'avant, le SPS, qui ne fait que 6 km de circonférence, ou bien dans un accélérateur qui serait directement intégré dans le sous-sol. Un accélérateur linéaire de basse énergie qui ensuite pourrait injecter dans l'un des trois anneaux qui constitueront le FCCE. Mais de toute façon, le fait que ce nouvel accélérateur soit fait par le CERN et au voisinage du CERN, donc avec toute la compétence accumulée par les gens qui sont là, par la présence de plusieurs niveaux d'accélérateurs divers sur le site, et puis aussi le fait que le canton de Genève ainsi que le pays de Gex ont déjà bien l'habitude du CERN, qui sont des amis, quoi. Et au point même que les Savoyards en sont un peu jaloux. Donc tout ça fait que l'environnement est plutôt très très bon et qu'il y a énormément d'économies qui seront faites par le fait qu'on construit une machine après l'autre qui se succède et qui se réinforce les unes les autres. Plus personne n'a peur que ces accélérateurs de particules créent un trou noir qui détruise le canton de Genève, voire la planète entière. Ça, c'est fini, ce fantasme-là, Alain Blondel. Mais c'était un véritable fantasme. Si les protons du LHC étaient capables de faire des trous noirs, les rayons cosmiques le seraient aussi et on aurait disparu depuis longtemps. Donc, une petite explication très simple permet de se débarrasser de cette peur-là. Et comme bien tous les mercredis à mi-parcours, nous allons retrouver la recherche montre en main. Et nous sommes en ligne aujourd'hui avec Jean-Baptiste Potoine, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous défendrez votre thèse en septembre 2023 à l'Université de Montpellier. Vous travaillez sur le benchmark de l'efficacité du système de collimation du Grand Collisionneur de Hadron. Bienvenue à la recherche Montre en main, on vous écoute. Merci. Alors le projet de ma thèse se porte sur l'un des composants de l'accélérateur de particules du LHC, le système de collimation. On peut imaginer que l'accélérateur de particules du LHC consiste en deux pistes circulaires de billes de 27 km de long. Et ces pistes vont se croiser à quatre endroits où il va y avoir des collisions entre les billes. Et grâce à ces collisions, on peut en savoir plus sur les secrets de l'univers. Mais afin d'obtenir ces collisions, les billes elles reçoivent des sortes de pitch nets à certains endroits de la piste qui va les accélérer et quasiment à la vitesse de la lumière. Ensuite, pour qu'elles puissent suivre une trajectoire circulaire, il y a environ 19 km de ventilateurs qui vont plier leur trajectoire pour s'assurer qu'elle ne continue pas tout droit après la pichenette. Bon, ces ventilateurs, en réalité, sont des aimants qui vont peser jusqu'à 28 tonnes, qui sont refroidis à moins 271 degrés, sachant que le zéro absolu se situe à moins 273,15 degrés. Donc c'est vraiment très froid. Et on a besoin de cette température pour que les aimants soient supraconducteurs, donc très performants, et qu'ils puissent délivrer un champ magnétique de 8 Tesla, comme il a été précisé juste avant. Alors, ces billes, elles ont beau être très petites, parce qu'on parle de protons ou d'ions, elles possèdent quand même une énergie très importante, vu que leur vitesse est proche de celle de la lumière. Et si malencontreusement, il y a une fraction de ces billes qui finissent leur course dans un de nos ventilateurs, dans un de nos aimants, qui est donc très très très froid, cela pourrait suffire à les réchauffer très localement, et du coup, ils pourraient ne plus fonctionner normalement. Et le temps de devoir refroidir à nouveau les aimants, ça ferait perdre jusqu'à une dizaine d'heures d'opération de la machine, dizaine d'heures qui sont assez précieuses quand on voit que l'emploi du temps de la machine est très très très très chargé. Donc enfin, afin d'empêcher ça, il y a des barrières qui sont installées à certains endroits de la piste de billes pour intercepter les billes qui éventuellement pourraient sortir de leur trajectoire. Donc en pratique, ces barrières elles consistent en une centaine de blocs de matière tels que du carbone ou du tungstène, de 60 cm de long. C'est le système de collimation du LHC. Donc ce système, il fonctionne très très bien. Cependant, comme on a pu vous le dire juste avant, c'est que d'ici 2025, le Large Hadron Collider, il va être amélioré en le High Luminosity LHC. Donc grosso modo, le nombre de billes va augmenter ainsi que la force des pichenettes. Donc on n'est pas certain que ces barrières soient suffisantes pour correctement protéger nos ventilateurs, enfin nos aimants. Et donc il y a besoin de trouver des bonnes positions de ces collimateurs, de ces barrières, pour s'assurer que les particules ne vont pas déposer trop d'énergie dans les aimants. L'objectif de mon doctorat, c'est de simuler différentes configurations du système de collimation, donc de ces barrières, pour nous assurer que les aimants soient bien protégés. Donc pour ce faire, j'utilise un code de calcul dit Monte Carlo, qui s'appelle Fluca, qui a été développé par le CERN, et qui me permet de recréer en 3D l'intégralité du tunnel du LHC, et où se trouvent les collimateurs. Je recrée une géométrie sur plusieurs centaines de mètres, et par la suite je simule l'interaction des billes sur ces collimateurs pour après en déduire l'énergie déposée dans les aimants. Donc pour ce faire, j'utilise plus d'une centaine de CPU, et certaines de ces simulations peuvent prendre jusqu'à plusieurs semaines afin d'obtenir des statistiques acceptables pour vraiment pouvoir tirer des conclusions pertinentes. CPU, c'est processeur, donc, hein, pardon, je précise, oui, je fais juste la traduction, je vous en prie, allez-y. Donc en déterminant la configuration optimale de ce collimateur, en fait, je devrais contribuer à améliorer la sûreté de l'accélérateur, et ça assurera une disponibilité optimale. Et du coup, ainsi, les scientifiques qui travaillent sur vraiment la physique derrière les collisions, ils ont plus de données, plus de temps de données, puisque du coup on va éviter de réchauffer les aimants. Et du coup, plus de temps, plus de données, donc plus de chances de vraiment comprendre comment fonctionne l'univers. Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour votre exposé qui est d'une clarté rare. Peut-être un petit mot très très rapide, une réaction à ces travaux Ursula Bassler sur encore une fois les potentialités d'amélioration et la technique derrière le LHC. Le travail qui est fait là est extrêmement important pour pouvoir atteindre les taux de collision qu'on souhaite avoir au high luminosity LHC. Et de ce point de vue-là, oui, c'est essentiel de continuer à regarder la technicité aussi de ces accélérateurs et pas que de se concentrer sur les analyses physiques. Je suis ravie qu'il y a des thèses sur ces sujets-là. Eh bien, on va continuer à parler de ce futur du LHC, plus précisément du FCC. On va essayer de comprendre quels sont les obstacles encore techniques, technologiques, scientifiques qui restent à sa construction. Quels sont les choix qui ont été faits, puisque vous avez entendu parler depuis le début de cette émission de collision électron-positron ou hadron-hadron. On discute de tout ça dans quelques secondes musicales. It's on the bed of my creation, a paperback abdication. It cropped me, what a missing. One and the same de l'ISOM à 16h35 sur France Culture. Nous parlons du FCC, le futur Circular Collider, le futur accélérateur de particules géant du CERN qui est en projet. Nous en parlons avec Alain Blondel qui est professeur à l'Université de Genève et chercheur CNRS responsable scientifique du projet FCC et Ursula Bassler, directrice adjointe scientifique à l'IN2P3 du CNRS. On ne le répétera jamais assez, le CERN est un organisme international, multinational qui coordonne la recherche de 23 de ses États membres, dont la France. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes intéressé à la partie française de la recherche sur le FCC. Oui, j'ai rencontré Gregorio Bernardi qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules. Il nous décrit les enjeux de cette participation française qu'il coordonne, mais également les attentes scientifiques autour du FCC, ainsi que les enjeux techniques sous-jacents au développement de ce futur collisionnaire circulaire. Alors cette collaboration n'est pas encore au stade d'une collaboration comme celles qui ont lieu en ce moment au CERN sur le LHC, où il y a déjà des milliers de personnes. Cette collaboration est donc se forme de manière plus informelle, avec plusieurs dizaines de physiciens qui sont en train de se regrouper pour faire les études de faisabilité, puisque nous en sommes à l'étude de faisabilité qui doit se conclure en 2025. Et donc pour cela, en pratique, nous nous regroupons les laboratoires du CNRS intéressés, donc le laboratoire de physique de particules du CNRS et du CEA, se retrouvent et nous formons des projets, nous développons à la fois des concepts de détecteurs, il y a bien sûr la partie qui travaille sur l'accélérateur proprement dit, et puis nous étudions aussi le potentiel de physique pour bien démontrer que c'est la machine que nous voulons absolument faire. Et donc c'est vraiment ce projet qui doit être poussé par le monde entier en fait, parce que c'est un projet global. Alors il y a quelques temps se tenait la semaine FCC, la FCC Week à Paris. Qu'est-ce qui est ressorti de cette semaine-là et sur quoi vous avez planché ? Alors justement c'est une semaine importante puisqu'elle permet de nous faire le point entre les différents aspects, puisque donc comme on a dit, il y a à la fois le côté de la machine, mais il y a aussi bien sûr le côté mise en place de la machine, donc recherche du meilleur site où pourra se mettre le tunnel, bien sûr le travail sur l'accélérateur proprement dit, et encore une fois, mettre en place des concepts de détecteurs qui pourront être en mesure d'exploiter la quantité énorme de données qui sera fournie par cette nouvelle machine. Et donc ça, c'était aussi un rôle important de voir les progrès et les nouvelles technologies que l'on peut développer. Donc c'était un petit peu des choses qu'on a pu voir, des nouvelles idées qui ont commencé à émerger. Et le rythme de ces réunions s'accélère parce que l'expérience est en train de grandir assez bien depuis qu'il y a eu la stratégie européenne il y a 2 ans. Maintenant, le projet est sur les rails et la communauté est de plus en plus convaincue que ce sera le projet qui sera poursuivi par la communauté. On parlera bien évidemment des attentes scientifiques autour du FCC dans notre émission et avec nos invités, mais voilà, pour vous, quelles sont ces attentes-là et quelles sont les attentes qui surnagent, on va dire, j'imagine qu'il y en a qui sont prioritaires, quelles sont-elles ? Alors, c'est assez intéressant parce qu'on se projette donc dans l'état de la physique en 2040 ou 2045, le moment où démarrera cette machine. Ça dure assez longtemps. D'ailleurs, c'est un peu la beauté de notre domaine d'être capable de faire des prévisions à si long terme, car nous savons déjà qu'il y a des phénomènes qui ne pourront pas être étudiés au LHC et qui pourront être bien étudiés justement dans cette nouvelle machine, le FCC. Évidemment, le point crucial, ce sera l'étude du boson de Higgs, puisque depuis sa découverte, nous continuons à l'étudier. C'est une particule fascinante, comme tout le monde le sait maintenant. Et donc, ce programme, en soi, mérite la construction de cette machine. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que cette machine permet en fait de couvrir de très nombreux aspects de la physique des particules. La physique des saveurs lourdes, donc de la violation de la symétrie CP qui explique peut-être pourquoi l'univers est dominé par la matière. La recherche peut-être de particules de matière noire aussi sera faite de manière très efficace dans cette machine. Il y aura aussi, bien sûr, la physique électrofaible qui est connue depuis l'accélérateur LEP, mais qui là sera fait avec plusieurs ordres de grandeur de précision supplémentaire et donc l'espoir de la mettre en défaut. Donc en gros, c'est un programme très complet. Les découvertes ne sont pas garanties, puisqu'on est dans un stade où le modèle standard est assez stable, mais nous avons vraiment un nombre de points d'attaque très importants. Et donc il y a vraiment un fort espoir sur cette machine qui en plus se déroulera en 2 phases, puisqu'il y a d'abord une phase E plus E moins, et ensuite... C'est-à-dire E plus E moins. E plus E moins, électron-positron. Donc au début, on fera des collisions électron-positron qui sont très propres, donc qui permettront d'étudier les phénomènes de manière différente par rapport au LHC, où les collisions seront proton-proton, qui créent plus d'interactions de bruit de fond. Et donc ça, ce sera une manière de faire la physique d'une nouvelle approche, et donc plus précise. Et ensuite, à plus long terme, on mettra aussi des protons-protons, on pourra monter en énergie, gagner un grand facteur en énergie, et donc aller chercher des nouvelles particules plus massives. Donc encore une fois, le potentiel de découverte est grand, bien qu'il ne puisse pas être garanti comme on pouvait le faire à l'époque du Higgs, parce qu'on savait qu'il y avait une particule qui se trouvait à peu près dans la région où elle a été découverte. Il y a 7 ans déjà, j'avais eu la chance, avec la méthode scientifique, d'aller au CERN, à Genève, et d'aller voir les entrailles un petit peu de la fabrique des électroaimants. Et je me souviens que l'un des techniciens me disait, ben voilà, on a des limites techniques qu'on a du mal à franchir. On est vraiment toujours à la frontière au maximum de ce qu'on peut faire. Là, on parle d'un accélérateur qui aura un diamètre bien supérieur à celui du LHC. Est-ce que vous voyez déjà poindre des difficultés techniques conséquentes qu'il faudra franchir pour obtenir des résultats nouveaux, aller plus loin dans ces recherches dans le domaine de la physique des particules? Alors, le programme du FCC est bien fait parce que dans la première phase, la partie électron-positron, l'accélérateur est assez bien maîtrisé. Il y a encore de la R&D, mais essentiellement, on bâtit cet accélérateur sur l'expérience obtenue sur d'autres collisionneurs électron-positron. Et donc, nous avons très très bon espoir que cette machine ne prendra pas de retard en ce qui concerne sa construction. Par contre, pour la partie proton-proton, il y a effectivement des difficultés technologiques encore. On doit faire des aimants de très hauts champs qui ne sont pas, enfin, dont le champ nominal que l'on voudrait atteindre n'est pas encore été obtenu de manière stable. Et donc, c'est cette partie de R&D qui va pouvoir se faire pendant que l'on construit et exploite le collisionneur électron-positron. Mais disons qu'avec le temps, justement, qu'on a devant nous, là aussi, la confiance que ce programme soit réalisé est très bonne. Et encore une fois, si par hasard on n'atteignait pas exactement la valeur nominale, ben on tournerait à une énergie légèrement inférieure, mais pas très différente. Donc on est quand même très confiant. Voilà une partie des recherches françaises sur ce futur FCC. Une réaction, Ursula Bassler? Oui, je pense effectivement que ce que disait Grégorio Bernardi est très juste. Technologiquement, on a déjà beaucoup de technologies clés en main. Néanmoins, on essaie bien sûr d'améliorer ces technologies encore, c'est-à-dire en termes de coûts, de réduction de coûts, mais aussi en termes d'augmenter les efficacités aussi pour dans l'idée de limiter aussi la consommation électrique, l'impact environnemental, etc. etc. Et ensuite, la quantité, bien sûr, d'instruments qu'il faut pour une machine de 100 km est juste énorme, quoi. Par exemple, pour le FCCE, il faut à peu près 600 cavités accélératrices, il faut à peu près 7000 aimants, donc... c'est vraiment des challenges aussi de production et d'industrialisation qui ne sont pas à négliger. Bien sûr, sans oublier évidemment la partie génie civil. Alain Blondel, si je reformulais ma question d'une autre façon, est-ce qu'on saurait commencer aujourd'hui le chantier du FCC ou est-ce qu'on a besoin de faire des progrès? Est-ce qu'il y a des secteurs de recherche ou de technologie qui sont encore manquants? Alors, il n'y a pas vraiment de technologie qui manque. Je pense que, comme disait Ursula, l'ensemble du projet est relativement bien maîtrisé. Mais compte tenu du temps qu'on a, il y a un certain nombre de choses qu'on cherche à améliorer, de façon à améliorer leur efficacité énergétique, d'une part, et puis éventuellement d'améliorer leur performance. En particulier, la production de luminosité, donc la capacité à produire des grands nombres d'interactions, est toujours en cours. On essaye toujours d'améliorer pour avoir une opération très stable et puis plus efficace. La deuxième chose, c'est que cette machine, sur 100 km, il faut se rendre compte qu'on essaye de positionner les faisceaux les uns contre les autres à quelques microns et même dans le plan vertical à quelques nanomètres. Et puis 100 km, ça bouge. Il y a les marées terrestres, il y a le niveau du lac Léman qui varie, il y a la masse des montagnes qui change quand il pleut dessus. Il y a énormément de sources de variations de l'environnement qui devront être contrôler en temps réel et, si possible, immédiatement corriger en faisant varier des petits aimants correcteurs. Donc, au niveau de l'opération d'une machine pareille, il y a quand même des problèmes pratiques et intellectuels qui ne sont pas du tout négligeables et qui demande une bonne compréhension de l'ensemble du système. Sur la technologie, Ursula Bassler disait tout à l'heure que pour le moment, on ne sait pas encore faire, on ne sait pas encore arriver aux 16 Tesla en termes de puissance de champ magnétique. Ça, c'est pas un obstacle encore, ça, Alain Blondel? Alors, dans le budget du CERN, il y a une somme égale pour l'étude de la première étape, c'est-à-dire de la machine électron-positon, du tunnel en particulier, des endroits où on peut mettre les points d'interaction, où est-ce qu'on peut mettre les bâtiments de surface, etc. Et puis, où est-ce qu'on peut faire fabriquer ceci et cela dans la machine, de façon à démontrer la faisabilité. Et puis, il y a une autre somme importante, c'est plus de 20 millions par an, qui est... de la recherche et développement pour des aimants de haut champ, qui peuvent en particulier comporter une partie d'aimants supraconducteurs à température qui ne soit pas forcément de l'hélium liquide, mais qui puisse être plutôt à la température de l'azote liquide. Ursula Bassler, alors donc on a bien entendu que ce FCC, il sera dans un premier temps un collisionneur électron-positron. Je rappelle que le positron, c'est l'antiparticule de l'électron, c'est un électron avec une charge positive. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ne pas faire immédiatement un collisionneur proton-proton comme le LHC? Est-ce que c'est un choix technique ou c'est un choix progressif d'amélioration de la machine? Comment est-ce qu'on le comprend, ça? bien sûr, dans la communauté, vous avez des personnes qui disent bah, si on pouvait faire un accélérateur, un collisionneur proton-proton tout de suite, on devrait le faire, mais cette question de développement des aimants, ça va néanmoins prendre du temps, parce qu'il faut pas juste avoir la technologie, mais comme je dis aussi, la pousser jusqu'à l'industrialisation. Et donc, il est très judicieux, en fait, de commencer par une machine électron-positron qui est techniquement plus simple à réaliser. C'est pour ça aussi que ce scénario d'avoir d'abord un FCCE et ensuite un proton-proton est tout à fait plausible et fait aussi un usage optimal du tunnel. Par ailleurs, bien sûr, la physique aussi n'est pas tout à fait la même, quoi. Et avec une machine électron-positron, vous produisez des collisions qui sont plus propres, si on peut dire comme ça, comme c'est les électrons et les positrons sont des particules élémentaires, quoi, avec des protons. Et donc, de faire des mesures d'extrêmement haute précision. Mmh. Et c'est vraiment ça aussi qui est le but du FCCE. Alors justement, parlons un peu de physique, sans faire de la spéculation, mais quand vous dites l'un et l'autre qu'il est question de construire une usine à boson de Higgs, qu'est-ce qu'on peut attendre précisément? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que d'ores et déjà vous imaginez ce à quoi ce FCC pourrait donner accès en termes de physique des particules à la Blondel? Alors il y a effectivement, après la découverte du boson de Higgs, il y a deux aspects à la façon de continuer la recherche. Allô, vous m'entendez à nouveau ? Tout à fait, on vous entend. Voilà, il y a deux aspects. Le premier, c'est de regarder le boson de Higgs lui-même et de vérifier, par exemple, que le couplage du boson de Higgs est proportionnel à la masse des particules, puisque le boson de Higgs est censé donner leur masse à toutes les particules. En particulier, avec le FCCE, on va, de façon absolue, mesurer le couplage du boson de Higgs avec les Z, les W, et puis aussi toutes les particules lourdes. Mais on va aller aussi même essayer de vérifier que les électrons eux-mêmes vont avoir leur masse donnée par le boson de Higgs, et peut-être même les neutrinos, on ne sait pas. Donc, tout ça, ce sont des choses extraordinairement intéressantes. Par ailleurs... Ça, c'est confirmer le modèle standard, c'est-à-dire le confirmer de plus en plus près jusqu'à la dernière décimale, en quelque sorte. C'est confirmer la nature même du boson de Higgs, et puis le fait que l'essentiel ou la totalité des masses des particules vient bien du boson de Higgs et pas d'un autre phénomène similaire qui pourrait arriver à d'autres énergies ou dans des mondes plus ou moins parallèles, si vous voulez. La deuxième chose qu'on va faire, c'est des mesures de très grande précision. Et si vous voulez, je venais de regarder l'article Wikipédia sur la planète Neptune. Et on dit bien que la planète Neptune a été découverte par un scientifique français qui s'appelait Le Verrier et qui a sur les orbites des différentes planètes du système solaire, donc les mesures très précises, par exemple, de l'orbite d'Uranus, et qui avait prédit l'existence de la planète Neptune par les anomalies d'Uranus. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de mesurer très précisément, alors cette fois-ci, comme disait Greg Bernardi, 100 fois à 500 fois mieux qu'on l'avait fait au LEP il y a 25 ou 30 ans, les masses du W, les couplages, les asymétries, etc. Et essayer de voir par des mesures de très grande précision l'existence d'autres physiques qui pourraient être couplées aux particules qu'on connaît. Et là, il y a tout un tas de possibilités sur lesquelles je vais parvenir, surtout que, en fait, on ne sait pas trop ni quelles sont les énergies de ces nouvelles particules, ni même avec quelle force elles se couplent aux particules qu'on connaît. Mmh. Mais c'est vraiment une exploration complètement nouvelle à laquelle on fait face, parce qu'il n'y a pas vraiment de théorie de ce qui va se passer maintenant. Mmh. Ursula Bassler, justement, sur les enjeux scientifiques et les possibilités que pourrait ouvrir ce FCC. Donc, si on se concentre d'abord sur la machine électron-positron, je pense qu'effectivement l'exploration du Higgs est très important, et aussi une propriété du boson de Higgs qu'on recherche déjà au LHC haute luminosité, qui est son autocouplage, c'est-à-dire comme le Higgs est une particule massive, il devrait aussi interagir avec lui-même. Mmh. Pour ça, on a besoin en principe de faisceaux d'électrons positrons à plus haute énergie que ce qui pourrait fournir le FCCEE. Mais néanmoins, avec des effets de correction quantique, on pourrait voir ces effets-là déjà avec une certaine précision au FCCEE. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que cela détermine vraiment la forme du potentiel du Higgs et donc tous les questionnements autour des transitions de phase dans l'univers primordial. Ensuite, peut-être une autre chose que moi je trouve extrêmement intéressante, c'est tout le secteur autour de la physique des saveurs. Dans les dernières années, on a commencé à voir des effets dans une expérience du LHC qui s'appelle LHCB, des effets de violation de l'universalité des saveurs des leptons. Donc, c'est compliqué. C'est pas si compliqué. Il faut juste expliquer que la physique des saveurs, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la cuisine d'un restaurant, mais qu'on parle effectivement d'une des caractéristiques des particules élémentaires, comme les quarks, par exemple, qui ont effectivement ce qu'on appelle des saveurs. Vous pouvez juste nous préciser un peu ce que c'est, parce que c'est tout à fait passionnant. Absolument, parce que c'est effectivement super passionnant. Et donc, des saveurs, ça existe pour les quarks, mais ça existe aussi pour les leptons. Par exemple, on a les électrons, les muons et les taux, qui sont les trois familles de leptons. Ce que LHCb a commencé à observer, c'est que dans certaines désintégrations de quarks, il y a des différences entre les taux de désintégration en électrons et en muons, alors que ces taux-là devraient être, avec certaines corrections, les mêmes. Mmh. Donc, il y aura une différence dans le comportement élémentaire des électrons et des muons, et qui n'est pas prévu dans le modèle standard, qui a des implications cosmologiques et donc qui est extrêmement important à mesurer. Et la FCCEE, ça sera une machine idéale pour faire ce type de mesure. Mmh. Un dernier mot, pour on arrive à la fin de cette émission de conclusion, qui m'est donnée par un auditeur qui vient de nous envoyer un petit mot sur notre fil Twitter et qui dit il y aurait une version moins onéreuse, c'est celle d'un accélérateur linéaire qui pourrait faire l'affaire, moins performant sur les propriétés du Higgs, mais plus intéressant pour monter en énergie. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Blondel? Ah, mais c'est. On peut très bien penser faire un accélérateur linéaire. Il y en a un par ailleurs, le CLIC, le Compact Linear Collider, qui devrait être développé par le CERN. Alors, le CLIC a été développé par le CERN depuis 1990 à peu près. Et bien sûr, on a comparé les performances comme usine à X du CLIC. Comme usine à Z aussi, et donc pour cette zone d'expérimentation-là, c'est sûr que la machine circulaire a une performance meilleure et surtout une efficacité énergétique qui est meilleure. Mais bien sûr, les collisionneurs linéaires permettent d'aller à de plus hautes énergies. On évite de perdre de l'énergie par cette fameuse radiation synchrotron qu'il y a dans les machines circulaires. Le prix à payer, c'est quand même que chaque bout d'énergie doit être fourni par des cavités accélératrices différentes, et donc ça fait un coût de cavité accélératrice qui devient très vite prohibitif. C'est-à-dire que la machine CLIC à 3TeV, par exemple, qui n'est qu'une fraction de l'énergie qu'on est capable d'atteindre avec la machine hadronique du FCC, coûte pratiquement aussi cher que le projet FCC-HH. Donc, il y a aussi des questions économiques qui s'intègrent là-dedans et qui sont importantes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. En un mot, Ursula Bassler, normalement, ce FCC, si on respecte le calendrier, ça voudrait dire une première lumière vers quelle date ? Disons 2045. 2045, eh bien, je ne sais pas si la méthode scientifique sera encore là, mais en tout cas, on continuera à suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alain Blondel. Merci Ursula Bassler d'être venue nous parler de ce futur circular collider du CERN. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Néguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Et comme toujours, et vous le savez, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.